دونك هذه من أركان الإسلام والإيمان المعروف. ويكفر إذا أقيمت عليه الحجة. دونك سي maintenant la hujja, la preuve évidente est arrivée et qu'il nous a prouvé par l'intermédiaire de ses actions qu'il a faites, mais avec son cœur, hein, il les a acceptées avec son cœur, c'est là le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant le hakim, le gouvernant, c'est un musulman. Il fait ses prières. Il ne juge pas le Coran et la Sunna. Est-ce qu'on va lui dire de lui que c'est un kafir? Et il sait que le Coran c'est Haqqullah. Et il sait que normalement il doit être le premier, il ne peut pas. Pour X ou X raisons. On va voir. On dit de lui que c'est un kafir? On ne dit pas de lui que c'est un kafir. Et on ne doit pas sortir de son obéissance. On doit lui obéir. Et comme je vous ai prévenu avant le DAF, des fois on va rencontrer des choses qui peuvent être un petit peu dures à accepter, mais il faut les accepter. On continue. Kufr al-amali. La deuxième catégorie de kufr al-amali, ici on a dit qu'il y a deux choses dans kufr al-amali. Donc le kufr al-amali c'est quoi? Par exemple, al-hukmu bi ghayri ma anzal Allah ki al-hakim. Idha hakima bi ghayri ma anzal Allah. Par exemple, al-hakim, le gouvernant comme on vous a cité comme exemple, il ne gouverne pas avec le Coran et avec la sunna du prophète. Mais pourquoi? Les hawa'im, à cause de son hawa. À cause de son hawa, il suit ses passions. Ou les rashwatim, à cause d'une rashwa qu'on lui a donnée. Chaque mois, on lui verse un truc et on lui dit tu ne gouvernes pas avec le Coran, tu gouvernes avec nos lois. Et lui, dans son cœur, il sait que... La thune avant tout. Ça, il ferme les yeux. On va aller encore plus loin. Oh, l'ikonihim wabdafan, ou c'est un fonctionnaire. Il ne sait même pas, il ne connaît même pas le Coran. C'est un musulman, mais il ne connaît pas le Coran. Il ne connaît pas le sunnah. C'est un fonctionnaire, ils l'ont mis là, c'est un poste qu'il a. C'est un fonctionnaire. Fahada, mais il faut savoir une chose. Hada min kibar et dunub. Ça fait partie des grands péchés. ولكن لا يخرج صاحبه من الإسلام. Mais ça ne fait pas sortir l'individu de l'islam. Ça fait partie du grand péché. C'est-à-dire que s'il meurt dans ces états-là, il meurt en temps de désobéissant. S'il ne s'est pas repenti pour ce qu'il a fait. Mais il aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Mais s'il va en enfer, il ne sera pas éternellement. Il ne sera pas éternellement. D'accord? Madame, quand? Quand aussi? مادام يعتقد أن حكم الله هو الحق الواجب. Tant qu'il reconnaît avec son cœur que حق الله c'est la vérité et que le Coran c'est la vérité, mais Allah غالب. Ana, je suis fonctionnaire, j'ai pas d'autorité, ou bien à cause de l'argent, on me donne une bonne paye, 50 000 francs par mois, et j'ai une famille à nourrir. Il est faible. Il n'est pas comme ceux qui vont te dire ouais, le tawakkul en Allah, et puis c'est pas grave. Mais on n'a pas tous un degré de foi haut, tu vois. Où il va te dire, par exemple, lui, en vérité, il aime bien que les gens ils parlent de lui, il aime bien se faire voir à la télé, costume, cravate, et puis voilà, les gens ils parlent de moi, et Anna, ou Anna. Voilà, son charroi. Tu vas penser pas sur ses envies. Mais c'est pas forcément un kafir. Et le kufr al-amali, on avait dit celui qui nous fait sortir de l'islam, du kufr al-amali, parce qu'on a le kufr qui ne fait pas sortir de l'islam pratiquement, et il y en a un autre qui nous fait sortir de l'islam pratiquement. C'est lequel? Insulter le Coran. Insulter le Coran. Ça, c'est un kufr. Bien sûr que l'Afiqad y rentre dedans. Mais c'est surtout Amali. Tuer un prophète. Ça, c'est le kufr Amali. Non? Et c'est ce kufr-là qui fait sortir de l'islam aussi. Se prosterner devant les idoles, des statues. Ça, c'est aussi un kufr Amali. Tu vois? Troisième point. عدم الخروج على الأئمة والرؤساء ولو ظلموا لأن طاعتهم واجبة Pourquoi? On ne doit pas sortir de l'obéissance des gouvernants et des présidents, même s'ils sont injustes avec leur peuple. Pourquoi? Parce que leur obéissance c'est une obligation. Quand? Quand c'est une obligation? ما لم يأمروا بمعصية Quand? Qui ne nous disent pas de faire de la mécréance, ou tant qu'ils ne nous disent pas de faire un péché. Si on t'ordonne de faire un péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit ? La ta'at al-makhlouqin fi ma'siyat al-khalaq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du créateur. Il va te forcer à boire de l'alcool, il va te forcer à ne pas faire la prière. Là, tu ne lui dois pas obéissance. Mais toi, tu ne te dis pas toutes ces choses-là, tu lui dois obéissance. Dans les choses qui sont conformes au Coran et à la Sunna. D'accord ? La deuxième des choses. La nad'a alayhim bishar. On ne doit pas faire des invocations contre eux. Allahumma dammirhu. Ou Allah. Ouvre la terre en dessous de ses pieds. Ou Allah, parce qu'il lui arrive un grand malheur qui meurt. Non. Ça fait pas partie du chemin des pieds prédécesseurs. La vie des pieds prédécesseurs, c'était pas comme ça. Eh oui. Oui, je vous avais prévenu que des fois vous allez voir des trucs qui sont un petit peu chauds. Mais il y a une sagesse dans ça. Tu vas, quand je vais te la dire, tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai. Bel nad'u lahum bis salah. Mais on leur fait des du'as en bien. C'est pas logique parce que là, tu vois pas plus loin. Là, tu vois pour toi-même, tu vois pour ta nefs. Mais regarde la suite. Li'anna fi salahihim, salah al-ibad wal-bilad. Parce que quand tu fais des du'as contre eux, le mal va se propager chez ce gouvernement. Et ce gouvernement, il va le redonner au peuple. Mais quand tu lui fais des du'as en bien, si ce gouvernement, si Allah il accepte cette loi et qu'il devient bien, ah ben ce bien va se propager au peuple. Donc tu préserves le peuple et tu préserves le pays ou la terre. Tu vois la sagesse. Si tu fais des du'as contre lui, tu te révoltes, tu révèles l'âme. De toute façon, toi, tu es assis, comme certaines sectes des mouvements comme le Hijra Takfir, ou bien le Jihad, ou bien ceux qui se prénomment le Tawhid. En vérité, ils sont derrière les gens. Ils sont assis, appuyés avec le téléphone, là, tac, ils donnent leurs ordres, et puis c'est les petits comme toi et moi, et ça y est, on nous a drogué la tête, on ne voit plus clair, on est hamsin, on est la religion, on va faire n'importe quoi. On va prendre des flingues et des fusils, et ça, puis voilà. On va faire des problèmes. Eux, ils sont en train de manger. Tu vois leur ventre ? Ah oui. Ça te colle. Dans les dalils, les peu dalils que j'ai ramenés, parce que j'avais pas trop envie de ramener tout, parce que c'est pas le but du dash, parce que Inch'Allah je vous ai dit qu'on va faire un dash plus développé en faisant la traduction du livre de Cheikh Al-Albani, Fitnat al-Takfir. On parlera point par point. Ici, dans Sikita de Sunna, l'imam al-Hassan ibn Ali al-Barbahari, imam ma'rouf min ahli sunnati wal jama'a, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Ida ra'ayt al-rajula yad'u ala sultan, fa'alam annahu sahib hawa. » Qu'est-ce qu'il dit cet imam al-Barbahari, rahimahullah, c'est un grand imam min ahli sunnati wal jama'a. Il dit, si tu vois un homme, il fait des du'as contre son gouvernement, sache que c'est quelqu'un qui suit que ses passions, pas quelqu'un qui suit la sunna. Parce que si tu regardes tous les hadiths, moi je n'ai pas tout ramené ici, tu vois tous les hadiths que le prophète il a dit au sujet du gouvernement, ah ben, tu sais que cette personne qui fait des du'as contre son gouvernement, c'est quelqu'un qui suit ses passions et non pas la sunna du prophète. Wa idha sami'ta. Mais si maintenant tu entends un homme, quand il fait ses du'as, yad'u li sultan, il fait des du'as pour son gouvernant, bis salah, sa'lam annahu sahibu sunna, incha'Allah. Sache que alors lui, c'est lui qui suit la sunna, incha'Allah. Et oui, parce que lui, il pense pas qu'à lui. Il pense surtout aux musulmans qui sont proches de lui. Si lui, par exemple, il est bien, ce gouvernant, ben, qu'est-ce qu'il va sortir ? Il va sortir du bien pour le peuple. Tu préserves le peuple et tu préserves la terre. Il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de... comment on appelle ça de... Il y a un mot là que je cherche. Là. Voilà, la justice elle est toujours là. Il n'y a plus d'injustice, il n'y a pas de... Il n'y a pas de représailles. Il n'y a pas de représailles, il n'y a pas tout ça, tu vois. Et tu vis tranquillement, en toute sécurité dans ton pays. Tu as la religion et tu as le dîn. Tu as le dîn et tu as le dunya. Tu vis tranquillement, tu fais ta vie. Tu fais ta religion, personne ne t'a perdu quoi que ce soit. Mais si tu commences à rébellionner, c'est fini. Va dans certains pays comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme l'Algérie. Va toi comme tu es maintenant, avec ton famille, c'est de l'ahya. Toi pourtant, Khatik, t'es pas avec ces gens-là qui font ces problèmes-là. T'es pas avec eux. Hein. Ils vont t'étiqueter une étiquette. Ça y est, non, toi tu fais pas. Pourquoi ? Parce que ta famille, c'est de l'ahya. Il y a des gens de 5 ans, ça fait 10 ans, 15 ans, ils sont pas retournés en bête, pourquoi ils peuvent pas voir leur famille ? À cause des étiquettes qu'on a peur qu'on leur passe sur le dos. Alors qu'en vérité, eux, ils sont contre ce qui se passe. Mais ils peuvent pas. Tu vois les problèmes que ça fait ? Yaqul al-Fudayl ibn Iyad, معروف خضر بن عيا تسيدي لو كان لي دعوة si je savais que ma dua sera exaucée, si je sais que Allah va m'exaucer ma dua quand je vais faire ma dua, ma ja'altuha illa fi sultan, je ne ferai des dua que pour les gouvernants ou pour mon gouvernant. Et oui, parce qu'il sait que si cette dua est exaucée et que Allah il accepte ta dua et que le gouvernant il change et devient bien, ce bien là il va se propager pour lui et pour le peuple. Tu vois comment les gens ils voient plus loin. Nous tout de suite on pense qu'à notre nombril. Non, il faut voir loin. Il faut voir loin. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا أو ظلموا. Il nous a été ordonné. Qu'est-ce qu'il disait Fadl ibn Ayyad? Il dit, il nous a été ordonné de faire des invocations en leur faveur et non pas contre eux. Même wa in jaru, jaru c'est faire du tort, opprimer, tyranniser. Wa in jaru wa zalamu, même s'ils sont injustes envers le peuple. Li anna jawrahum, parce que leur tyrannie et leur oppression, wa dhulmihim ala anfusihim wa ala al-muslimin, parce qu'ils se font du mal premièrement à eux et ils font du mal aux musulmans. Wa salahuhum li anfusihim wa lil muslimin, la sagesse. Mais s'ils sont bien, ils sont bien pour eux, ils sont bien pour les musulmans. Tu as la sagesse. يقول الإمام أحمد بن حنبل كيف رحمه الله اجتمع فقهاء بغداد les savants de Baghdad à cette époque ils se sont tous réunis autour de lui في ولاية الواثق à l'époque de الواثق الواثق lui qui était donc leur gouvernant إلى أبي عبد الله donc ils sont allés voir l'imam Ahmed ibn Hanbal et ils lui ont dit وقالوا له إن الأمر قد تفاقم wa fasha, dit que vraiment là maintenant c'est fini, on est arrivé à un point où on ne peut plus supporter l'amr, ça y est, nous sommes arrivés à un moment où on ne peut plus maintenant patienter, c'est trop grave, la situation est trop critique. Ya'nouna idhaou qawli bi khalq al-Qur'an wa ghayri dhalika, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit voilà, ça y est, maintenant notre gouvernement nous dit que le Qur'an il est créé et puis d'autres choses comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit finalement? Voilà Narda, bi'imaratihi wa la sultani. Et nous l'acceptons. Nous ne l'acceptons pas comme gouvernant. Ça c'était le ulama de Baghdad. Hein. Nous ne l'acceptons pas. On n'accepte pas sa place ici. Fanadarahum fi dhalik. Il leur a parlé, il leur a dit. Finalement, il leur a dit, alaykum bil inkari fi qulubikum. Il dit, rejetez ces choses-là avec votre cœur. Ne l'acceptez pas avec votre cœur. Première des choses. Deuxième des choses, وَلَا تَخْلُوا يَدًا مِنْ تَاعَةٍ, et n'enlevez pas vos mains ou une de vos mains de l'obéissance, c'est-à-dire restez toujours obéissant, ne vous rébellionnez pas. لَا تَشُقُوا عَصَى الْمُسْلِمِينَ, ne vous éloignez pas du groupe des musulmans, donc de la communauté. وَلَا تُسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ, et ne faites pas couler votre sang et le sang des musulmans autour de vous. Si tu fais couler ton sang, وَحْدَكْ مَعْلِيشْ, mais tu sais que tu vas faire couler ton sang et le sang des musulmans qui ne sont pas responsables. Et le péché, c'est pas lui qui l'aura fait, c'est toi. Donc ça va être toi la cause. D'accord? Ma'akum. Wanduru fi aqibati amrikum. Mais patientez. Patientez. Et regardez plutôt le résultat. Wasbiru hatta yastarihu barrun. Et patientez jusqu'à que le plus pieux d'entre nous, ou les pieux d'entre nous, il se repose, moralement bien sûr, et que, inshallah, avec le temps, on se repose de ce tyran. Et ce que je viens de vous dire, enfin, c'est l'imam Ahmed ibn Hanbal qui parle, hein, ce que je viens de vous dire, ça ne veut pas dire qu'en enlevant vos mains, c'est-à-dire en sortant de l'obéissance du gouvernement, vous êtes dans le vrai. هذا خلاف الأثر ليس طبعا على الخطبة لا السنة في الخطبة هذا الإمام ابن حنبل رحمه الله في الخطبة. Alors quand aujourd'hui on voit le résultat des problèmes dans tous les pays musulmans, quand on voit les problèmes, c'est à cause de quoi? À cause d'un groupe mineur de personnes qui se sont rébellionnées contre leurs gouvernants, et ça a causé des problèmes. À tel point que maintenant, même quand tu vas aller étudier dans certains pays, tu ne peux pas si tu n'as pas la nationalité française ou la nationalité européenne. Tu viens de ton passeport arabe, on n'a pas besoin de toi. Tu veux essayer de faire une vie dans un pays arabe? On voit ton passeport, on regarde d'abord quel passeport tu as. N'accepte pas. Ben oui, ils ne te donnent pas les papiers, ceci. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors qu'en vérité, toi, tu es contre tous ces mouvements politiques et ces mouvements, ces pensées, ces courants de pensée. Mais à cause de l'incompréhension des textes, ben voilà le problème. Il n'y a pas un pays, tu peux me citer n'importe quel pays, je vais te dire. Le Soudan, l'Éthiopie, le Somalie, l'Algérie, Tunisie, le Maroc un petit peu à un certain moment, mais maintenant ça s'est calmé. La Turquie, Tchétchénie, Bosnie, Pakistan, l'Inde, Cachemire, Palestine, tous ces pays. Il faut pas croire parce que des fois tu vois des groupes, ils sont en quantité, tu te dis ils sont dans la vérité. Des fois on n'a pas besoin de voir la quantité pour dire qu'eux sont dans le bon. Bien sûr qu'on aimerait bien voir la quantité et la qualité, mais regarde plutôt la qualité d'abord, ce qui sort. Et là tu t'apercevras si tu es dans le bon. Si tu sais qu'en suivant ce chemin-là, ça t'amène à ta perte, sache que ce chemin-là, il n'est pas bon. Si tu sais que ce chemin-là, il t'amène à ta réussite, sache que tu es dans le bon chemin. Wa subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.